des nanas qui ne vivent que pour ça. Nous, quand on voit un homme, on tombe pas dans les pommes. Saga, mais tout le monde en rira.